Y'a que mais c'est hip-hop. LK dans la place. Pour le hip-hop non-stop. Hip-hop non-stop. Non-stop, non-stop, non-stop. Hip-hop non-stop. Non-stop. Hip-hop, hip-hop, hip-hop non-stop. Non-stop. Hip-hop, hip-hop non-stop. Voilà du bon son, du gros son, du son puissant. Donner le coup de pied violent dans le hip-hop, c'est franc. C'est mon boulot, déverser les rimes, agiter les foules, contrer la déprime en bougeant les boules. Déboule comme un rat-marée, présent sur tous les fronts, contrecarrant les autorités et leurs opinions. Le clergé peut trembler quand l'idole embrasse le son. Le cynique armé d'un micro devient le poison. Mec, c'est du real hip-hop, pas de la variette. Aucune envie de jouer les motherfuckers, c'est pas une compète. On utilise le rap comme un putain de vecteur. Si le message t'échappe, sors ton ghetto blaster. Nique le garceur de Sarkozy et sa France-Afrique. Affiche à fond tes couleurs, mets-lui un coup de cric électrique, antipathique à la technique employée. Le rap reprend son envol à gorge déployée. Hip-hop, ready. Hip-hop, hip-hop, ready. Hip-hop, ready. Hip-hop, ready. Hip-hop, hip-hop, ready. Soit du nord, du sud, de l'est ou même de l'ouest. C'est au travers de nos scuds que le hip-hop conteste. Teste pas si t'as pas les moyens nécessaires au défi, ressentir mes césaires. Ça n'a pas de prix si tout fusionne du son de la bokeh d'une faction armée de mots, de flots, de vélo et de pression. Combien de kilos rimes déversés dans nos écrits, de verre où ceux qu'on opprime se sentent moins démunis. Ça n'a pas de prix, réveiller les masses, loger les idées en place et leur faire prendre conscience, quelle que soit leur race, que l'avenir n'appartient plus à ceux qui se lèvent. Donc faire un choix parfois peut s'adapter. Le cachot garde le flow, la mer est forte, on peut chavirer. Le courant nous transporte, c'est du hop à chipper. On a des choses à faire, des choses à dire, mais peu d'auditoire. Pas étonnant que mon son soit représentant du trottoir. Hip-hop, hip-hop, ready, ready. Hip-hop, hip-hop, ready. C'est de la musique de rue, mais pas les skyrock. Des clics de type t'as vu qui baissent pas leur froc. On s'inspire du vécu et de ce qu'on connaît. On donnera pas notre cul pour avancer, faut pas déconner. Lancer les dés, hip-hop ready, boogie down au complet. La première est enclenchée et les condés dépassés. Du passé d'où je viens, réaliser mes forfaits. Au présent que j'exploite par mon phrasé. Total respect, à ceux qui ont le rap dans les veines. Tous les crews, les quartiers, les b-boys passent en terre. Bâtissons l'édifice qui fera office de forteresse. Ne laissons plus passer les fils de pute qui transgressent notre art. Au profit du genre art, j'cris mort au bâtard. Dès qu'il y a du pouvoir, l'homme oublie son point de départ. Mais le son à fond que m'est fait péter tes boomers. Qui a dit que le 6-2 n'était pas à la hauteur. Hip-hop, hip-hop, ready.